Chapitre 58e. Ouverture. Une grande femme vint à sa rencontre et Dutilleul n'eut aucun mal à reconnaître celle qu'il était venu voir, même s'il était un peu déçu. Certes, la silhouette était demeurée svelte, les jambes étaient superbes, mais Marieke van Gunberg ressemblait à une fleur fanée. Elle n'avait jamais dû être très jolie avec ses yeux globuleux, à la couleur incertaine, mais elle pouvait faire illusion en recourant à des lunettes de soleil. Les cheveux, à présent blancs, étaient drus et coupés au carré. Comme s'il voulait écourter le plus possible la visite, Dutilleul n'eut pas droit aux honneurs du lieu. Elle semblait pressée. Elle conduisit Dutilleul à l'arrière de la maison et il se retrouva au bord d'une immense piscine. Marieke van Gunberg le pria de s'asseoir sur une chaise en teck, puis lui proposa un verre de limonade bien fraîche qu'il accepta avec reconnaissance. « L'hôte m'a dit que vous alliez venir, » attaqua Marieke van Gunberg d'une voix curieusement éteinte. « Je sais qu'elle vous a traduit les lettres, alors naturellement, vous devez être curieux, même s'il n'y a aucune gloire à remuer toute cette boue. » Dutilleul sentit alors une bouffée de colère monter en lui. Il n'était pas là pour qu'on lui fasse la leçon. Aussi choisit-il de prendre les choses en main, d'autant que, tout bien pesé, lui non plus n'avait pas de temps à perdre. « Je ne suis pas journaliste, mais commissaire, et je ne vous juge pas. Vous ne pouvez pas me comprendre. » Marieke van Gunberg se mit à pleurer doucement. Elle n'en poursuivit pas moins. « Vous devez me juger monstrueuse. » Dutilleul choisit ce moment précis pour faire diversion. « Qu'est devenu votre père ?» Marieke van Gunberg le regarda vraiment pour la première fois et sembla un peu se détendre. Elle eut un pauvre sourire. « Il vivote, tant bien que mal. Il a fini par tout perdre. » « Bien sûr, il me rend responsable. Il dit que je n'ai pas fait ce qu'il fallait, que j'ai refusé de l'aider. Je suis une mauvaise fille, c'est sans doute vrai. » « Dans ce cas précis, répliqua Dutilleul, je ne vois guère ce que vous pouviez faire. La perte de la brasserie était inévitable. J'ai cru comprendre qu'il était un piètre gestionnaire. Il fallait donc bien stopper l'hémorragie à un moment ou à un autre. » « Lotte avait vu juste. Vous êtes quelqu'un de bien ?» « Cependant, pourquoi vous êtes-vous tant intéressé à Marie ?»« Avouez qu'elle n'a pas eu une histoire banale. Et croyez bien que, tout comme moi, beaucoup ont eu à cœur de reconstituer son itinéraire. Je ne l'ai pas croisée moi-même, mais je sais qu'elle a laissé un souvenir inoubliable, et pas seulement parce qu'elle était très belle. Dans la situation où vous étiez, vous avez sans doute fait le moins mauvais choix. » Le visage de Marieke van Gunberg s'éclaira soudain. Dutilleul sentit qu'elle attendait ces mots depuis des années. « Vous pensez vraiment ce que vous dites ?»« Absolument !» dit Dutilleul avec conviction. Le juge qui a pris en charge Marie l'a confiée à la meilleure institution possible. Elle a connu une enfance assez heureuse, si l'on tient compte des circonstances. Et je vous prie de croire qu'elle a été profondément aimée. Josette Rosay a eu à cœur de la faire grandir dans un univers protégé. Savez-vous qu'elle a conservé intact le trousseau de Marie ? Aucune autre petite fille ne l'a porté. Elle ne l'aurait pas supporté. Elle l'a juste ressorti pour moi. » Marieke van Gunberg pleurait toujours, mais cette fois Dutilleul en était sûr, de reconnaissance. Il n'en poursuivit pas moins. « D'un autre côté, que pouviez-vous faire d'autre ? La confier à votre père ? Certainement pas. Tout d'abord, il n'aurait jamais accepté de vous voir revenir avec un bagage. Et ensuite, il vous l'aurait fait payer de façon abominable. » « Absolument, » intervint Marieke van Gunberg. « Je savais que si j'étais rentré aux Pays-Bas, il aurait fait de moi une prisonnière. Il m'aurait retiré Marie. Celle-ci n'aurait été qu'un otage entre ses mains, et qui sait alors ce qu'il aurait été en mesure de faire. C'est pour cela que je devais absolument m'enfuir, et que j'ai dû me résoudre à me séparer de mon petit ange. Vous savez, monsieur le commissaire, cela a vraiment été terrible. J'aurais tout donné pour ne pas avoir à recourir à cette solution. » Mais il n'y en avait pas d'autre. Je ne pouvais pas demander davantage d'argent à ma grand-mère sans lui mettre tout de suite la puce à l'oreille, et immanquablement, mon géniteur aurait fini par l'apprendre. Votre grand-mère ne lui en aurait certainement pas parlé. » Marieke van Gunberg parvint enfin à contenir ses larmes. « Elle non, mais d'autres n'auraient pas eu les mêmes scrupules. Ma grand-mère avait un majordome dont je me suis toujours méfié, car je savais qu'il avait fait l'armée avec mon géniteur. Je savais qu'il n'avait jamais un sou en poche et qu'il n'aurait pas hésité à monnayer l'information s'il y trouvait son compte. C'était vraiment, comme vous dites en français, un sale bonhomme. Votre grand-mère devait lui faire confiance, si elle l'employait. Eh bien, je n'en suis pas si sûr. En tout cas, sur la fin de sa vie, elle avait renoncé à ses services. Même si c'est un épisode pénible, je voudrais revenir à l'abandon de Marie. Qui a suggéré Josette Roset ? Lotte, bien sûr, dit Marieke van Gunberg. Parce que c'était ce qu'il y a de plus simple et de plus logique. Mais pour que vous compreniez de quoi il retourne, il faut que je vous donne quelques éléments.